ma bien-aimée, mon épouse, ma gloire, donc depuis 48 ans. Et gloire au Seigneur pour la santé qu'il nous donne. Ce n'est pas le cas de votre pasteur. Il est chez eux, il a une grippe, il toussait beaucoup hier soir, il tousse encore ce matin, il n'a pas très bien dormi. Et qu'on va prier pour Benoît aussi. Je suis pasteur à Rosemont, 35 ans, ensuite 3 ans et demi à Saint-Léonard, et maintenant nous sommes membres à l'Église baptiste évangélique Renaissance de Rivière-des-Prairies à Montréal, dans l'est et le nord de Montréal. Et pasteur Hugo Étier est maintenant le pasteur là. Il était avant ça à Rivière-du-Loup, maintenant il est à Rivière-des-Prairies. Et Sharon et moi, depuis 2 ans, on a eu le fardeau pour évangéliser à Ville d'Anjou, qui est l'arrondissement juste à côté de Rivière-des-Prairies. Il n'y a pas d'église baptiste là. Il y a une ou deux églises ethniques, surtout pentecôtistes. Donc, on a dit, je pense qu'il y a 35 000 raisons pour aller à Ville d'Anjou. Et on a commencé simplement à aller porte à porte, dans la façon que Paul faisait à Derbe ou à en Phrygie ou en Galatie, juste aller voir ceux que le Seigneur a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, donc on le fait. Toutes les 2 semaines, il y a une réunion. On est 18-20 maintenant, dans le dimanche après-midi. Ils ont leur propre église, ils restent dans leurs églises, mais ils ont accepté de venir les uns, soit par intérêt, les autres parce qu'ils recentrent leur salut sur Christ seul. Ils ont peut-être était dans des églises africaines ou haïtiennes ou québécoises où ce qu'on enseignait, oui, Jésus, mais fais ce qui est droit, fais ce qui est juste, une sorte de légalisme. Et maintenant, il y en a plus qu'un là, qui ont recentré leur salut sur Jésus-Christ seul et non pas sur les commandements des hommes ou même les commandements de Moïse ou que sais-je. Donc, par la grâce en Jésus-Christ seul, par la foi seule. Donc, on demanderait au Seigneur d'implanter une église là en temps et lieu. Pour l'instant, c'est un projet de rayonnement et je vous demanderais de prier, s'il vous plaît, pour l'œuvre à Ville d'Anjou. Je crois que Benoît reçoit une lettre à tous les 2-3 mois concernant Ville d'Anjou, mais je vais vous envoyer ça en tant qu'église que je vous demande, s'il vous plaît, comme échange. Je vous apporte un message ce matin. Vous priez pour nous à Ville d'Anjou, s'il vous plaît. J'enverrai une lettre de nouvelles pour cet effort de rayonnement à Ville d'Anjou. Je connais Benoît depuis un bon bout de temps. On était directeurs ensemble dans Sembec pendant de nombreuses années. On a eu du bon temps. Je connais aussi plusieurs autres dans l'Église. Richard était là. Leve-la, OK. Il était membre à Rosemont un bout de temps. Et je connais beaucoup d'autres aussi parmi vous, gloire à Dieu. Pas beaucoup, mais plusieurs. C'est un honneur d'être ici. On habite à Shefford, fait que ça prend quoi? 1h20, 1h30. Tu sais, tu descends la 116, puis ensuite tu prends la 243, puis tu arrives à Warden, puis à Waterloo, puis ensuite Shefford. Et on habite en haut de la montagne. Fait que vous êtes les bienvenus, visitez-nous. Il n'y a pas d'église à Waterloo pour l'instant, il y en avait une. Il n'y a pas d'église à Bromont. Fait que priez pour la vision que le frère de Eric a de relancer une vision pour tous les villages et les villes autour de Granby. Donc, sans doute que vous avez aussi une vision, on va prier pour vous, priez pour nous. Cette année passée, j'ai été très occupé, pas seulement avec Anjou, mais... On m'a invité de parler à Sembec sur la question de la théologie de la Nouvelle Alliance. Alors, il allait avoir un enseignant qui prendrait la position de la théologie dispensationaliste face à la relation des deux testaments. La question de base, c'est quoi la relation des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau? Comment sont-ils reliés? Alors, on peut se poser cette question-là ce matin. Le message portera sur 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Et Paul parle de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Fait que ça va être pertinent. J'ai écrit un livre là-dessus pour me préparer pour le colloque où on m'a invité de parler, non pas de la théologie dispensationaliste, non pas de la théologie de l'autre côté, théologie de l'Alliance, soit les réformés presbytériens ou les réformés baptistes, mais de bel et bien parler de la théologie de la Nouvelle Alliance qui est un peu au centre de ces deux théologies-là. On va voir donc un peu de théologie ce matin. Ça peut être un peu poussiéreux ou sec au début, mais l'apôtre Paul lui-même nous donne sa conclusion au verset 18 qu'on va voir, et c'est très personnel, très vivant, et ça nous appelle à une application très concrète dans notre vie. Nous allons commencer en lisant 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, ou votre bidule, alors tournez ou scrollez à 2 Corinthiens 3, 6 à 18, et on va examiner 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 6 à 18. C'est bien sûr l'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'église qu'il a fondée à Corinthe. Et il y avait des judaïsants qui bourdonnaient autour de l'église, comme ces judaïsants faisaient un peu partout dans les églises que Paul fondait. C'était pas long que des légalistes passaient après, puis qui disaient « c'est correct si tu as Jésus-Christ, mais il te faut aussi la circoncision, il te faut aussi les 10 commandements, il te faut aussi le sabbat ». Donc, dans ce passage qu'on voit dans chapitre 3, on va voir une défense de l'Évangile, de la liberté de l'Évangile, de la grâce seule, sans égard à la loi de Moïse. Mais c'est dur, parce que l'homme naturel, il voudrait avoir un point, deux points, les 10 points pour ma vie chrétienne. Qu'est-ce que je dois faire? Chacun s'établit une liste de règles, chose à faire, chose à ne pas faire. Chaque église a ses petits commandements, et c'est inné dans l'homme qu'on voudrait avoir un sentier très clair. OK, là, je suis correct. OK, j'ai coché. Tout est beau. Et ces judaïsants faisaient ça avec la loi de Moïse. Ils disaient, OK, l'Évangile est venu, c'est parfait. Mais Jésus était juif, puis ça sort du judaïsme. Alors, il faut garder encore la loi. Alors, qu'en est-il dans notre passage de 2 Corinthiens 3, 6 à 18? Lisons. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, d'une hardiesse. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Prions. C'est ta parole, Seigneur. Nous en frémissons. Tu es présent dans cette assemblée. Ton esprit entend chaque cœur. Ton esprit parle par Paul. Tu veux nous enseigner, Seigneur. Nous t'écoutons. Et nous voudrions te demander de rétablir la santé de Benoît et de Brigitte. Oui, Seigneur, les extinctions de voix, les grippes, tu es maître de tout cela, s'il te plaît. Fais du bien aussi, nous avons entendu tantôt, je ne connais pas Sylvain, mais s'il a de la famille ou des amis ici, console-les, et toute l'assemblée, console-la, il était ici. Et c'est un frère qui est parti auprès de toi et qui vit et qui règne avec toi en ce moment même. Il voit ton visage, Fils de Dieu. Tu l'as sauvé par sa très sainte foi, il est avec toi. Bénis cette Église dans le deuil. Oui, Seigneur, nous osons aussi te demander d'amener ta paix dans tous les cœurs, dans cette Église, dans toute la région. Que ton nom soit loué. Proclame ta parole, Saint-Esprit. Applique la parole dans nos cœurs. Au nom de Christ. Amen. Donc, nous avons dans ce passage une clarté. C'est un contraste qu'on ne peut pas manquer. Vous avez compris qu'il y a deux choses dont Paul parle. Et on va voir sept contrastes entre l'un et l'autre. Donc, ce ne sera pas difficile de capter la pensée de l'apôtre si on creuse ces sept contrastes. Les six premiers seront un peu plus théologiques, mais le dernier s'affaisse, comme on dit au Québec. Ça nous prend directement, frontalement dans le cœur. Alors, le premier contraste, on va établir qu'il s'agit de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. Ah, mais vous dites, ouais, mais ce n'est pas la même affaire. Est-ce qu'on compare des poires avec des pommes? Non, parce que testament, en grec, c'est diatheke, marquez-le, et alliance, en grec, c'est diatheke. D'accord? Donc, c'est le même mot pour alliance ou pour testament. Fait qu'on peut interchanger les deux. Il n'y a pas de problème. Paul est en train de parler d'une comparaison entre l'ancien, vieux, passé, ancien testament, et la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Il n'était pas encore complet au moment où Paul a écrit 2 Corinthiens. Fait qu'il n'y avait peut-être pas la nomenclature de testament en tant que tel, mais il y avait déjà tout un corps de littérature qui circulait et des évangiles, soit oralement, soit par écrit, les lettres de Paul, les autres écrits du Nouveau Testament. Il y a vraiment ici, dans le verset 14, le mot. Ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est là, verset 14. Et au verset 6, il parle de la Nouvelle Alliance. Il est en train de comparer ces deux régimes. Parce que si on dit que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit dans un livre, il y avait quand même le régime du Nouveau Testament depuis que Jésus-Christ est venu, depuis la Pentecôte. On est dans un nouveau régime, une nouvelle entente, presque unilatérale de Dieu avec l'homme perdu. Je ne veux pas dire presque. C'est Dieu qui initie, qui fait tout pour le salut. C'est Dieu qui agit, qui accomplit sa volonté. Et il ne prend plus la méthode mosaïque, il prend la méthode de Christ. Maintenant, Dieu sauve l'homme par celui qui est le Fils de Dieu venu sur terre. Il l'a fait aussi dans l'Ancien Testament par la foi et l'anticipation, c'est sûr. On n'est jamais sauvé de deux différentes façons, par les œuvres dans l'Ancien puis par la foi dans le Nouveau. Non, c'est toujours par la foi. Mais ceux dans l'Ancien Testament, c'était complexe. Ils ne voyaient pas encore assez clair. De plus en plus, ils ont eu de la lumière à cause des prophètes qui s'en venaient, mais ils ont dû avoir une foi dans quelqu'un qui allait venir. Tandis que pour nous, nous avons foi dans celui qui est venu. Quelle est cette nouvelle alliance? Et c'est clair que l'Ancien Testament, c'est Moïse, parce qu'il le dit au verset 15. Bien, la nouvelle alliance, elle a été prophétisée, elle a été identifiée, elle a été inaugurée. On est toujours dans le premier contraste, là, puis on veut dire, mais c'est quoi alors la nouvelle alliance dont il parle? Ben, elle a été prophétisée, identifiée, inaugurée. Prophétisée dans l'Ancien Testament déjà. Jérémie est celui parmi les prophètes qui nomme la Nouvelle Alliance dans ses écrits. Dans Jérémie 31:31, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Donc, c'est une alliance avec ceux que Dieu a sortis du pays d'Égypte. Et ils sont nommés, la maison d'Israël, la maison de Juda. Et vous allez dire, ben, comment ça se fait qu'il va venir un temps où il y aura une nouvelle alliance avec eux? Mais on va voir dans l'Épître aux Hébreux surtout, et avec la venue de Christ et la venue du Saint-Esprit, qu'il s'agit de la période où Jésus-Christ est venu pour la première fois. Et que le nouveau peuple dont il est question, c'est vous, c'est moi, c'est l'élection parmi les Juifs et c'est l'élection parmi les non-Juifs. Et c'est l'Église, c'est le nouveau peuple de Dieu que Jérémie prophétise dans versets 31 à 34. Alliance qu'ils ont violée, dit Jérémie, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Et il y a quatre clauses dans la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ça, chrétien, c'est ta conscience éclairée par la Bible. Le Saint-Esprit utilise la Bible et il utilise ta conscience et ça, c'est la loi de Christ écrite dans ton cœur. Deuxièmement, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur a prévu un nouveau peuple composé de deux entités, une élection juive, une élection non juive, un seul olivier, un seul peuple, sous la bannière de Christ. Verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère. Oui, mais alors qu'est-ce que René Frey est en train de faire alors? Bien, c'est que vous pourriez m'enseigner aussi. Vous avez le Saint-Esprit autant que moi et nous connaissons l'Éternel, comme il est dit dans ce texte. Connaissez l'Éternel. Moi, je t'exhorte, toi, tu m'exhortes. Car tous me connaîtront. Dans la Nouvelle Alliance, ceux qui font partie du peuple de Dieu sont tous convertis, en contraste avec ceux de l'Ancienne Alliance, où il y avait un mixed bag. C'était une multitude avec pas mal une majorité qui ne croyait pas ou qui était idolâtre ou rebelle ou qui murmurait ou qui était simplement juif, né juif, mais ils n'étaient pas vraiment dans le reste fidèle. Et Dieu a un reste fidèle dans l'Ancien Testament, mais on a l'impression que c'était une minorité de ceux qui croyaient et de ceux qui s'affichaient juifs. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car, et ça c'est la clause la meilleure, la quatrième clause, dans Jérémie 31 à 34, la quatrième, c'est ce qui nous fait un baume sur le cœur. Car je pardonnerai leur iniquité. Non pas je continuerai de couvrir leur iniquité par un autre bœuf, un autre agneau, une autre tourterelle qu'il faut qu'ils fassent à chaque fois qu'ils ont péché. Ils ont parlé mal à leur épouse, emmène un bœuf à l'église, à la synagogue, ou en tout cas au temple. Il devait y avoir du sang pas mal, je me connais. Les péchés, ça, c'est à profusion, avant et après la croix. J'en ai, tu en as. Mais Christ est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et en une seule foi, il a payé pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et nous avons confiance en celui-là, n'est-ce pas? C'est lui en qui nous croyons. Nous n'avons plus besoin de garder les sacrifices, comme dans la loi de Moïse. Je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il ne s'en souvient seulement pas. Nous, quand on pardonne, on garde une liste. Mais il faudrait qu'on pardonne comme lui. Qu'on pardonne et qu'on oublie. Donc, Jérémie en a parlé. Je n'ai pas le temps de continuer. Ézéchiel en a parlé aussi. Et j'irai beaucoup plus rapidement avec Ézéchiel. Je lirai juste le verset, chapitre 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ça, c'est la Pentecôte. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce qui est arrivé dans ta Pentecôte. Le jour où tu as cru, le Seigneur a enlevé ton cœur de pierre et il t'a donné un cœur de chair, il t'a donné le Saint-Esprit en toi. J'en tremble, je parle à des gens qui ont l'Esprit de Christ devant moi. Vous parlez à quelqu'un qui a l'Esprit de Christ en lui, bien imparfait, moi l'enveloppe, là René Frey, wow, vous ne me connaissez pas. Mais l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. Église de Victo, vous avez l'Esprit de Dieu vivant en vous, comme dit Ézéchiel en parlant de la Nouvelle Alliance. Je mettrai mon Esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Merci Seigneur! Tu feras, c'est toi qui feras en sorte cela? OK. Moi, je veux coopérer avec toi, mais tu me connais, je suis faible comme l'eau. Je prends une résolution du 1er janvier, puis là, on est le 26. Est-ce que vous avez gardé toutes vos résolutions, vous autres? On n'est pas capable, right? On veut, la chair est faible. L'esprit est voulant, mais on floppe chacune de nos résolutions, jour après jour. Quel malheur! Et l'Esprit travaille en nous. Et c'est lui, dit Ézéchiel, comment il dit ça? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. On pourrait prêcher sur chacun de ces passages, je vais à Ésaïe. Ésaïe aussi parle de la Nouvelle Alliance. Il emploie pas le mot Nouvelle Alliance, mais il parle du serviteur souffrant. Et par quatre cantiques ou chants ou poèmes, dans Ésaïe 42, 49, 51 et surtout 53, vous connaissez Ésaïe 53, « Celui qui prend le péché, notre iniquité, nous étions tous comme des brebis errantes, mais Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça, c'est un verset que Éric et moi, on a appris dans la méthode évangélisation explosive à Granby l'année passée. C'est ça. Donc, quand on évangélise, on parle des cinq doigts, je n'ai pas le temps, mais c'est un bon verset, okay, dans Ésaïe, que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe parle de la Nouvelle Alliance. Si tu parles à un juif et tu dis, qu'est-ce que tu penses d'Ésaïe 53? Il dit, c'est le peuple juif. Ils ont souffert à travers les années. Vous nous avez fait souffrir. Il y en a 6 millions qui sont morts pendant la Deuxième Guerre. Non, Ésaïe 53 ne parle pas du peuple juif. Ils ne peuvent pas souffrir et porter l'iniquité du coupable. Ils peuvent souffrir, mais ils ne peuvent pas, étant pas parfaits, ils ne peuvent pas porter l'iniquité de nous tous. Donc, dans Ésaïe 42, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. » C'est Dieu qui parle à son Fils. « Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple juif. » Ça, c'est correct, ça. Virgule. Pour être la lumière des nations. Voyez-vous, l'élargissement déjà dans les prophètes, et il le répète, si on n'a pas compris, là, 49.6. Donc 42.6, maintenant 49.6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une prédication, là, mais on continue. Joël aussi en parle. Joël parle de la Nouvelle Alliance, sans employer le mot Nouvelle Alliance. Il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et qu'est-ce qui arrive dans Acte 2? L'apôtre Pierre prêche un message à 3000 personnes qui se convertissent. Et il dit, « Ceci est cela. » Les gens pensent qu'ils sont ivres. Voyons donc, c'est dimanche matin. On croit que la Pentecôte, c'était aussi dimanche, là. Ils ne sont pas ivres, comme vous pensez. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y avait eu des flammes de feu, un vent impétueux, toute une mise en scène. Quand le Saint-Esprit vient dans ce monde-là, c'est clair. Et il est en train de dire ceci, ce que vous voyez, c'est ce que Joël a dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Fait que ça se tient dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties sont là. La Nouvelle Alliance a été prophétisée. Maintenant, elle est aussi conclue et identifié par Jésus-Christ. 700 ans après Jérémie, Jésus lève la coupe la soirée avant qu'il ait crucifié et il dit, ceci est, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance. Personne pendant 700 ans en parle. Jésus reprend un texte de Jérémie 31. Et il dit, vous voulez savoir ce que c'est la Nouvelle Alliance? Ceci est le symbole de la Nouvelle Alliance. Le lendemain, il allait mourir sur la croix et verser son vrai sang, pas juste verser du vin. C'était une coupe qui signalait, qui symbolisait un nouveau régime, une nouvelle entente. C'est comme une nouvelle élection, un nouveau gouvernement, je ne sais pas moi, au lieu de la CAQ, ce serait un autre parti. On est dans un nouveau régime, il y a de nouvelles dispositions. Et maintenant, ce n'est plus la loi de Moïse et l'alliance de l'Ancien Testament, c'est maintenant la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance qui est en mon sang, qui est répandue pour vous. Et Matthieu dit que Jésus est venu non pas pour... Jésus dit par Matthieu qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, tout à coup, Jésus, même dans son premier sermon sur la montagne, il commence à établir là une distinction. Mais il se défend, il ne dit pas « je viens pour abolir la loi », mais « je viens pour pleinement l'accomplir en ma personne ». Tout ce qui est écrit de moi, dit Jésus aux deux disciples sur Emmaüs, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il accomplit l'Ancien Testament parfaitement. Pour cela, il peut aller à la croix pour nous. Dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « tout est accompli ». Il a tout accompli, la volonté de Dieu. Il est maintenant en train de donner sa vie pour ses brebis. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Et l'Épître aux Hébreux nous dit exactement pourquoi Jésus est venu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Lisez avec beaucoup de soin cette année l'Épître aux Hébreux. Beaucoup de soin. Ça débloque notre compréhension du lien entre les deux testaments. L'Épître aux Hébreux. Je relis. Mais maintenant, il, Christ, a obtenu un ministère d'autant supérieur que Moïse, dont il parle dans son livre, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous êtes des héritiers, vous venez de recevoir un héritage merveilleux. Le monde entier, pas juste une petite terre en Israël, là. Toute la terre est à vous, vous en êtes des héritiers et ça s'en vient bientôt. Reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette nouvelle alliance avait été prophétisée, elle a été identifiée et conclue, clenchée par Jésus-Christ, et maintenant, elle est inaugurée le jour de la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 16 et 17, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et dans cette chambre haute, 120 personnes, hommes, dont quelques-uns étaient apôtres, et femmes ont tous reçu ces langues de feu, cette venue du Saint-Esprit dans leur cœur. Maintenant, pour nous, quand nous recevons Jésus-Christ, on ne reçoit pas des langues de feu et un tremblement de terre et puis un vent impétueux, de ces choses-là. On n'arrive pas à parler une langue qu'on n'a jamais apprise à l'école. Bien, pour la majorité d'entre nous, je ne sais pas pour vous, là, mais j'ai reçu le Saint-Esprit le 16 avril 1956, j'ai encore péché, mais chaque fois le Seigneur m'a pardonné. Je n'avais pas le don des langues, mais le Saint-Esprit était en moi. Il nous a doués pour son Église, chacun avec sa couleur différente, avec son don différent, afin que le peuple de Dieu soit une entité, un corps merveilleux qui prend soin de lui-même. Donc le Saint-Esprit est venu ce jour-là et il a créé l'Église. L'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament, comme disent la théologie réformée, presbytérienne ou baptiste. L'Église était le but et le plan de Dieu, contrairement à ce que disent nos amis dispensationalistes qui croient que le plan de Dieu va revenir dans le millénium à un temps où ce que les sacrifices vont revenir et puis c'est plutôt l'Ancienne Alliance qui revient en vigueur. Non, le message c'est que depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. Nous avons reçu le summum, la venue de la deuxième personne de la Triunité et la venue de la troisième personne de la Triunité dans la personne du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la loi? Qu'est-ce qu'il en est de la loi de Moïse, alors? Mais si on avait eu le temps, on parlerait de la loi. Mais il suffira de dire un seul verset dans 1 Corinthiens 9, 20. L'apôtre Paul parle, lui, un juif. Il dit, « Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. » Avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme sous la loi. Quoique je ne sois pas, je ne sois pas moi-même sous la loi. Je parle trop fort, mais c'est clair qu'il faut le dire à certaines personnes. Nous ne sommes pas sous la loi. On n'a pas besoin de garder le dimanche comme un sabbat. C'est le fun d'être ici dimanche, mais on aurait pu être ici vendredi. Si tu es dans les pays musulmans, c'est soit le vendredi ou le samedi que les chrétiens se réunissent, parce que c'est à ce moment-là, culturellement, que tous les autres se réunissent. Le dimanche, c'est un jour de travail. Fait que jamais dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'il faut garder le sabbat, quoi qu'en disent nos frères réformés, qu'ils soient presbytériens ou baptistes. Je ne sois pas moi-même sous la loi. Ah, ben alors tu es un antinomien alors. Tu n'aimes pas la loi, tu es anti-autorité, toi, alors. Tu as un problème avec l'autorité? Non, dit Paul. Je n'étais pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, dit-il, écoutez bien, étant sous la loi de Christ. En nomos Christou. En nomos est un mot intéressant. Nomos veut dire loi. En nomos veut dire enloué ou enloyé. In English, it is in-lawed. I am in-lawed to Christ. Je suis apparenté à Christ. Voyez-vous comment Paul voit, lui qui a été sous la loi de si nombreuses années et qui a eu une conversion sur la route de Damas, tout à coup, il dit, ben, je ne suis pas sous la loi. Mais attention, j'ai une loi. Je suis sous ou en la loi de Christ, en nomos Christo, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, si on avait eu le temps, on parlerait de ça. Mais on n'a pas le temps, donc on va dire une deuxième chose qu'on aurait dit si on avait eu le temps, c'est qu'on devrait parler du peuple de Dieu. Et on l'a déjà dit, le peuple de Dieu a pris une notion beaucoup élargie, radicalement élargie dans le Nouveau Testament. Et on lit dans Hébreux 7, 25, la nouvelle étiquette pour la nouvelle alliance. C'est-à-dire, à qui est-ce que ça s'adresse, cette nouvelle alliance-là? On a lu que c'était la maison de Juda, la maison d'Israël, ceux qui étaient sortis de l'Égypte par la main de Dieu. Donc, on pense, OK, il y aura un temps quand il y aura une nouvelle alliance pour eux autres, comme dit Jérémie. Attention, regardez bien. Lisez Hébreux 7, Hébreux 8 et Hébreux 9 vous-même quand vous avez le temps, aujourd'hui ou demain. Prenez le temps de le lire. Et poser la question, à qui est-ce que cette nouvelle alliance s'adresse? Si tu lis seulement le passage que Hébreux cite Jérémie, on pourrait encore penser qu'il s'agit peut-être d'Israël, et il y en a beaucoup qui le disent. Mais si vous posez la question jusqu'à vous creuser les méninges de trouver la réponse, vous allez arriver au chapitre 7 et verset 25 qui dit, « C'est aussi pour cela qu'il, Jésus-Christ, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » C'est large. Ça inclut Victo, Shefford, Anjou et tous les coins du globe. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pas seulement la maison de Juda, pas seulement la maison d'Israël. La Nouvelle Alliance, c'est pour ceux qui s'approchent de Dieu par le médiateur de la Nouvelle Alliance. Lui, il est le médiateur, le négociateur, celui qui a conclu la Nouvelle Alliance. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu par lui reçoivent les bénédictions. Et lui, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et dans un des passages les plus beaux et les plus clairs, Paul dit dans Éphésiens 2, 14, 15 et 16, « Christ est notre paix, lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation. » L'inimitié, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça peut-tu être assez clair? La loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer... Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il faudrait une heure pour développer juste ça. Afin de créer en lui-même avec les deux, juifs, non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps. Oui, mais il faudrait que les Juifs messianiques se réunissent le sabbat, n'est-ce pas? Ben, ils disent qu'ils le font parce qu'ils voudraient atteindre leur peuple. OK, pas si sûr que c'est la méthode que le Saint-Esprit suggère ici. Il me semble que le Saint-Esprit suggère une seule réunion, on devrait avoir des Juifs convertis dans cette assemblée. Et à Montréal, si vous êtes là, prenez le temps d'aller évangéliser les Juifs à Outremont, s'il vous plaît, ou à Hempstead. Vous allez reconnaître leur maison parce qu'ils ont sur le portique un petit mezouza, une boîte avec un commandement de Moïse dedans. Ils mettent ça sur leur portique. Et on cognait aux portes, puis on leur donnait un Hadasha Berit et une Torah. La Torah, ils acceptaient, c'est l'Ancien Testament, gratuitement, avec en hébreu sur une page, puis en russe, français ou anglais l'autre page. Mais le Hadasha Berit, Hadasha veut dire nouveau, Berit veut dire alliance. Oh, la nouvelle alliance, non, mon rabbin m'a dit que je ne dois pas prendre ça. Ils ne sont pas prêts à recevoir la nouvelle alliance. Mais Paul dit, l'un et l'autre sont réunis en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Encore 3-4 messages là-dessus. Donc, on récapitule maintenant, on est juste au premier contraste, et moi je me dis qu'à 11 heures, je dois quitter le podium. Mais peut-être que je dois le quitter avant, vous me direz. Récapitulons ce premier contraste. L'ancienne alliance est complètement accomplie. La nouvelle alliance est arrivée. Cela inclut que la loi et la définition du peuple de Dieu est entièrement transformée, et cette transformation est parfois décrite comme l'ombre et la réalité. Si tu marches sur la rue dans un jour où il y a beaucoup de soleil, tu vas voir ton ombre. Si tu vois l'ombre, tu dis « Ah, je reconnais, c'est le profil de René, il s'en vient. » Mais quand je vois René, c'est autre chose. Ou, mettons, pour moi, si je vois l'ombre de Sharon, je vais être contente, mais si je vois Sharon, je vais être bien plus contente. L'ombre, c'est l'ombre, right? Mais la réalité est venue, Jésus-Christ est là. L'ombre de l'Ancien Testament, ça tombe, c'est caduque. Ce n'est pas à bannir complètement, comme faisait Marcion qui disait, on ne lit plus l'Ancien Testament. Non, au contraire, les types, l'ombre indique la réalité, explique en quelque sorte, donne une amplitude, approfondit notre compréhension de la nouvelle. Et moi, je préfère employer l'image de la chenille et du papillon. 3-4 messages là-dessus, mais vous connaissez l'histoire. C'est le même animal, mais qui est transformé à travers la chrysalide dans un papillon. Est-ce que le papillon, il retourne à la vieille bouette où ce que la chenille rampait à terre? Non, le papillon, il vole dans l'azur. Il prend le nectar. C'est une autre créature, bien plus belle. Une chenille, ça a sa beauté, mais un papillon, merveilleux. Alors, l'ancienne alliance a sa beauté, mais la nouvelle alliance est là. Elle est plus belle. Donc, nous disons que la théologie de la nouvelle alliance, elle a des éléments de continuité, des éléments de discontinuité et des éléments de transformation. Ça, c'était le premier contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Le deuxième, c'est bien plus vite, ainsi que les autres. Le ministère de mort versus un ministère vivifiant. Est-ce que c'est ça le contraste que Paul fait? Vous l'avez entendu tantôt. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Quand tu es sous la culpabilité, là, tu ne sais plus quoi faire. Tu sais la loi de Dieu. Tu sais que tu as péché. Où te tourner? Tu es dans l'esprit de Paul, dans Romains 7. Qui me délivrera de ce corps de mort? La lettre tue. Mais le ministère de l'esprit vivifie, te libère, te pardonne. Dieu t'a pardonné, il ne s'en souvient plus. C'est un ministère vivifiant. L'alliance mosaïque, une alliance d'œuvre. L'alliance nouvelle, alliance de grâce. La loi dit, fais ceci et tu vivras. Mais si tu ne suis pas parfaitement la prescription, tu mourras. La grâce dit, je pourvois moi-même à ton pardon afin que tu vives. L'ancienne alliance avait comme but de décrire la justice de Dieu, pas de sauver. La nouvelle alliance a comme but d'annoncer la justification par la foi au Sauveur, le Christ. La loi exige la peine de mort, à moins qu'on la suive entièrement, mais l'Évangile transmet la vie éternelle à quiconque croit à celui qui a la nouvelle alliance. Je fonce. Contraste numéro 3. Glorieux versus supérieur en gloire, les versets 7 à 11 que je ne relirai pas, mais que je résumerai en disant, oui, il y avait une certaine gloire dans l'approche de Moïse. Bien sûr, c'est le prophète de l'Éternel. Il a vu Dieu, ou du moins les contours du profil de Dieu. Il a amené les 10 commandements. Il a été le libérateur du peuple juif à travers la mer. Il y a une gloire là. Si tu regardes le film « Les 10 commandements », c'est glorieux. C'est « wow ». Mais Paul est en train de faire un contraste entre cette gloire-là et la gloire de la venue de Jésus-Christ, qui lui est bien supérieure. C'est une chose de quitter Égypte. Bravo, on n'est plus esclave en Égypte. Mais dans le désert, ils sont esclaves de leur idolâtrie, puis de leur murmure, puis whatever. Mais quand Jésus-Christ vient, il te libère de ton passé, de la peine de mort, tu es libéré. Maintenant, c'est sûr qu'il y a 3 libérations. Il y a la libération de la punition elle-même, de la culpabilité. En ce moment, tu es en train d'être libéré du pouvoir du péché, petit à petit. Et le jour où Christ reviendra, où la résurrection arrive, tu seras délivré de la présence même du péché. La punition, le pouvoir, la présence. Donc, c'est progressif, mais c'est plus glorieux. Parce qu'il y a une plus grande conséquence. Je fonce pour le 4e contraste. L'Ancien Testament était passager, le Nouveau Testament est permanent. Passager, permanent. Pourquoi qu'on dit passager? Je vais sauter au nœud du verset 13. Écoutez bien. « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Je vous pose la question. Pourquoi Moïse a-t-il mis un voile? Pardon? Son visage luisait après avoir été sur la montagne. Merci. Frère, comment tu t'appelles? Vincent? Alexandre, merci. Aussi? Oui, voilà. Et ça, c'est la réponse que Paul donne au verset 7. Au verset 7, Paul dit « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. » Là, ça, c'est réponse A, et c'est bien. Mais réponse B est très étonnante dans le verset 13 qu'on vient de lire. « Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur quoi? Sur la gloire? » Ça, c'était la réponse A. Ici, c'est une autre chose. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin. F-I-N. Fin. Pas juste passager. La fin de ce qui était passager. Oh, ça veut dire qu'on doit réinterpréter. OK, donc Moïse a mis un voile pour que les Juifs ne se rendent pas compte que ces 10 commandements-là qu'ils venaient de recevoir, c'était juste pour un temps. Et déjà, la gloire sur le visage de Moïse s'estompait. Et fait qu'il fallait qu'il mette un... C'est Paul, par l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui nous dit pourquoi Moïse a mis ce voile. On pensait tout le temps que c'était juste un « ah ». La réponse, il y a trop de gloire, il y a trop de lumière. Oui, ça fait partie de la réponse. Mais la réponse complète, c'est pour que les Juifs ne se rendent pas compte que le régime de l'Ancien Testament était pour un temps et qu'il y avait un nouveau régime plus glorieux qui s'en venait. Il faut que la gloire qui était sur le visage de Moïse soit transférée au visage de Jésus-Christ. Et maintenant, nous savons pourquoi Paul écrit ce contraste. Pour que Christ soit glorifié. Et la théologie doit glorifier Jésus-Christ. Pas les alliances, pas les dispensations. Pas les myriades de réponses qui sont données, c'est quoi le secret de la Bible? La clé de la Bible, c'est Jésus-Christ. Nous sommes christocentriques. Nous devons contempler Jésus-Christ comme résultat de cette étude. Donc, on fonce pour le 5e contraste. L'ancienne alliance communiquait la condamnation, mais la nouvelle, la justification. C'est au verset 9, lisez-le. Il y a une condamnation qui vient par la loi. Oui, la loi de Dieu est bonne et juste et parfaite, comme dit le psalmiste. On s'exclame devant la parole de Dieu, qui est résumée par le mot « la loi de l'Éternel ». Parce que la loi de l'Éternel, ça ne veut pas juste dire les 10 commandements, ça veut dire tout l'Ancien Testament, et c'est beau, c'est une belle révélation. Dieu qui se révèle pour la création, Moïse, les prophètes, les psaumes, c'est magnifique. Mais c'est passager, il y a un temps où, après 400 ans de silence prophétique, maintenant c'est la nouvelle alliance qui arrive. Et ça, c'est le but. Ça, c'est la justification, pas la condamnation. Maintenant, Jésus-Christ vient et les apôtres disent, vous pouvez, en croyant en Christ, être justifiés. Qu'est-ce que c'est la justification? Ben, c'est un pasteur qui dit à un couple, « Je vous déclare mari et femme. » Il fait une déclaration. Right? Quand tu es sauvé par ta foi en Christ, Dieu te justifie, il te déclare pur, pardonné, juste, sauvé, rempli de la capacité de vivre éternellement parce qu'il te voit maintenant à travers Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de vous lire le sixième contraste en détail, mais c'est magnifique. Le sixième contraste, là, c'est le voile et le dévoilement. Il y a un voile qui est sur les Juifs et sur toute personne, même non-juive, qui ne lit que l'Ancien Testament ou qui ne fonctionne qu'avec la loi. Je vais être un meilleur garçon. Je vais me réformer. Tu vas voir, j'ai pris des résolutions. Je ne serai plus comme ça. Il y a un voile. Parce que tu penses que tu es capable, dans la chair, de gagner ton ciel. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 6, 23 que ce n'est pas possible et dans Éphésiens 2, 8 et 9 que ce n'est pas possible. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et le meilleur exemple de ce voile dévoilement, c'est Paul. Et j'avais toute une page, mais je ne la lirai pas, je n'ai pas le temps. Je préfère d'ailleurs que vous la lisiez, sa conversion. Il le dit trois fois dans les Actes des Apôtres. Lisez sa conversion. C'est littéralement un voile qui est ôté, des écailles qui tombent de ses yeux et il commence à revoir. Voir physiquement, oui, mais là, il voit la vraie lumière. Quand Ananias impose les mains, prie pour lui afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il devienne l'instrument que Dieu a choisi pour porter l'Évangile, la nouvelle alliance au monde entier. Mais je voulais arriver au septième contraste. On a vu dans les versets 6 et 8 que le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est un contraste entre la lettre et l'esprit. Donc, on va concentrer pendant les dernières minutes sur l'esprit, sa place dans ta vie, sa place dans cette Église. Chrétien, chrétienne, le Saint-Esprit. Il est mystérieux, en anglais on dit « the Holy Ghost », c'est un peu spectre. Mais le Saint-Esprit est une personne. Tu peux y faire du mal. Tu peux froisser ses sentiments, tu peux l'éteindre. Ce n'est pas juste un fluide, pas juste une puissance, comme on brancherait un toaster. C'est une personne, et c'est une personne divine. Et il est prévu dans le plan de Dieu pour venir vivre en toi une personne distincte du Fils et distincte du Père. Les trois sont un seul Dieu, mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit. Et toutes les permutations. Ça veut dire que ce Saint-Esprit, c'est ce qui caractérise la Nouvelle Alliance. Si j'ai bien lu le passage, c'est ça que Paul est en train de dire. Il veut que toute cette étude sur les alliances mène aux versets 17 et 18. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et maintenant le verset 18. Merveille. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a deux sortes de sanctification. La sanctification statutaire, c'est arrivé le jour où tu as cru en Christ. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas cru en Christ, qui n'a pas transféré sa confiance en Jésus en disant « j'abandonne ma méthode d'être sauvé ». J'accepte maintenant que je suis pécheur et j'ai besoin de Jésus-Christ. Fais-le ce matin. Mais je suppose qu'une majorité ici, vous connaissez déjà Jésus-Christ. Et vous avez été sanctifié parfaitement lors de votre conversion, selon Hébreux 10:14. Lisez Hébreux, lisez-le attentivement. Hébreux 10:14 dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ça ne vous fait pas un petit velours, ça? Église de Victo, tu es parfaite. Église de Victo, vous êtes sanctifiée. C'est un fait accompli. C'est statutaire. It's done. La loi te dit, travaille, œuvre, fais ça, mais il ne me donne pas de main et de pied. L'Évangile dit, j'ai pardonné et il me donne des ailes pour voler. L'Évangile te libère. L'Évangile te sanctifie, c'est fait. Mais j'ai 72 ans et j'ai besoin de sanctification quotidienne. La statutaire est correcte. Ça, c'était le 16 avril 1956. Maintenant, j'ai besoin de sanctification pour aujourd'hui, pour mes pensées de cet après-midi, pour mes mauvaises réactions de ce soir. Tout cela doit être sanctifié et ça va l'être. Le passage le dit. Il s'en occupe avec nous. Celui qui dit, c'est Dieu qui va le faire pour moi, il est dans les patates. Celui qui dit, je dois le faire tout seul, il est dans les patates. Je parle des chrétiens là maintenant, juste des chrétiens, mais il y a deux façons. Je m'en sors avec Dieu jusqu'au jour où il sera prêt à le faire. À ce moment-là, il va le faire, puis j'attends. Moi, je ne suis pas capable, j'ai essayé bien des façons, je ne suis pas capable de me sanctifier. Je lutte avec telle ou telle tentation, ça ne marche pas. Je suis jaloux, je suis contrevenant, je suis whatever. L'autre, il dit, je vais le faire. Là, tu vas voir une nouvelle personne. Demain, je commence, ou ce soir, ou à l'instant même. Et ni l'un ni l'autre n'a raison, parce que Paul dit dans Romains 8, 13, « Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'Esprit, vous, c'est les deux ensemble. » Right? Donc, le processus qu'on regarde ici maintenant dans le verset 18, dans les... J'ai déjà grillé 2-3 minutes. Je finis en deux, promis. OK, j'ai 72 ans, j'ai besoin du verset 18. Qu'est-ce qu'il me dit, le verset 18? En gros, il me dit que je suis dans la chambre photographique du Saint-Esprit. Il y a ici la plaque sensible, c'est mon cœur. Okay, le papier photographique. Dans les anciennes caméras, vous autres qui avez des caméras électroniques, ça ne marche plus, là, mais dans les anciennes caméras, il y avait comme un rouleau, un papier qui avait des produits chimiques qui étaient sensibles à la lumière qui rentrait. Right? Fait que nous autres, le visage découvert, c'est le chrétien, c'est le papier photographique. Et la caméra doit être maintenant pointée vers un objet. Nous contemplons comme dans un miroir. Alors, il dit « nous contemplons » à l'indicatif, mais on peut le prendre comme un impératif, l'un ou l'autre, peu importe. L'idée, c'est que si tu veux la sanctification, tu es en train de, ou tu devrais, pointer ta caméra, et Benoît me dit que caméra, ce n'est pas le mot français, c'est l'appareil photographique, peu importe, cette affaire-là, pointe-la vers l'objet qu'il faut. Pas tes problèmes, pas tes inquiétudes, pas ce qui m'a fait, pas ce qu'elle m'a fait, pas ton incapacité. Pointe la caméra de ton cœur vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le texte dit. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il ne faut pas sauter trop vite dans un miroir. Un miroir, c'est comme une lentille. Et qu'est-ce qui est la lentille pour qu'on voit Jésus-Christ? Hello? C'est la parole de Dieu. C'est la lentille à travers où nous voyons la réalité, nous voyons le monde, nous comprenons les problèmes, nous comprenons tout ce qui est nécessaire pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu. C'est dans la lentille des Écritures, le miroir, le fameux miroir. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, la parole, la gloire du Seigneur, c'est lui le point de mire. Nous devons lire sa résurrection, sa divinité, sa transfiguration, son ascension, sa cession, son retour, sa nouvelle création, ses réactions. Comment il réagit? Comment il parle? Ce qu'il veut, ses valeurs, c'est lui qu'on doit contempler, sa gloire. Nous sommes christocentriques. La caméra est braquée dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui est le résultat? Qu'est-ce qui arrive à la plaque sensible? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et vous connaissez ces films où on voit une chambre avec une lumière rouge, puis le gars, il est là, puis il passe des bains successifs sur le papier photographique. Et petit à petit, l'image commence à apparaître de l'objectif qui avait été pris. Et je suis devant vous en progrès. Ma femme pourra dire qu'il n'y a pas assez de progrès, mais je suis en progrès en quelle direction? Pour ressembler à Jésus-Christ. Nous allons ressembler à Jésus-Christ parfaitement et le Saint-Esprit s'occupe, si nous braquons la caméra dans la bonne direction. Donc finalement, et je termine avec ce mot, as-tu un programme pour lire la Bible? As-tu lu ta Bible cette semaine? Je ne peux pas être plus concret là. As-tu un programme pour lire toute la Bible en 20 minutes? Peut-être pas toute la Bible, mais un programme pour lire systématiquement, profondément, étudier, appliquer, demander à Dieu de te guider tous les jours dans la Bible. Parce que c'est ça où tu découvres, c'est là que tu découvriras qui est l'objet de l'Ancien Testament, qui est celui qui amène le Nouveau Testament, qui est l'objet de toute la révélation, c'est Jésus-Christ lui-même. À lui seul soit toute la gloire. Lisez la Bible, mes frères, mes sœurs. Si vous faites ça, le message aura été mis en application. Recherchez Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Amen.